La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio des bons coups avec Louison pour la bonne lecture du soir. Je vais vous lire ce soir le chapitre 5 de Christmas Pudding d'Agatha Christie. Notre cher ami Hercule Poirot a bien mangé la dinde de Noël et je suis très très nulle pour faire les résumés, donc je vous propose d'aller écouter un podcast des anciens chapitres. Et voilà. Alors du coup, chapitre 5. Ce jour de Noël finit comme la plupart des jours de Noël. On illumina l'arbre, il y eut pour le thé un magnifique gâteau dont on acclama l'entrée, mais auquel on ne put faire que modérément honneur. Tout se termina par un dîner froid. Le maître et la maîtresse de maison se retirèrent de bonne heure, Poirot en fit autant. « Bonsoir, monsieur Poirot, » dit Miss Lacy. « J'espère que vous avez passé une bonne journée. »« Une journée merveilleuse, madame, vraiment merveilleuse. »« Vous avez l'air songeur. »« Oui, c'est au pudding que je pense. »« Vous l'avez peut-être trouvé un peu lourd ?» demanda gentiment Miss Lacy. « Non, non, je ne me place pas au point de vue gastronomique. Je pensais à sa signification. » « C'est une chose purement traditionnelle, » dit Miss Lacy. « Eh bien, ne rêvez pas trop au pudding et aux minces pies. Bonne nuit, monsieur Poirot. » « Oui, c'est une énigme que ce pudding. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas, » pensait quelques minutes plus tard Hercule Poirot en se déshabillant. Il hocha la tête avec un air vexé et se dit « Enfin, nous verrons bien. » Après avoir fait certains préparatifs, il se coucha, mais ne s'endormit pas. Ce n'est qu'au bout de 2 heures que sa patience fut récompensée. La porte de sa chambre s'ouvrit sans un bruit. Il sourit dans l'obscurité. Les choses se déroulaient selon ses prévisions. Il revit en pensée la tasse de café que Desmond Lee Worsley lui offrait si aimablement. Il l'avait posée sur un guéridon dès que le jeune homme avait eu le dos tourné et l'y avait laissé quelques instants. Un peu plus tard, il l'avait reprise ostensiblement, donnant ainsi à Desmond la satisfaction, si c'en était une, de l'avoir lui vidé jusqu'à la dernière goutte. Et Poirot souriait encore à l'idée qu'un autre que lui dormirait cette nuit, et sans doute dormait déjà, d'un sommeil profond et réparateur. « Pauvre petit David, » se dit-il, « il est inquiet, malheureux. Une bonne nuit ne lui fera pas de mal. Et maintenant, que va-t-il se passer ?» Immobile, il respirait régulièrement, avec par moments un petit ronflement à peine perceptible. Quelqu'un s'approcha du lit et se pencha sur lui, puis, rassuré, se dirigea vers la table de toilette. À la lueur d'une minuscule lampe de poche, ce quelqu'un examina les objets de Poirot, soigneusement alignés sur l'étagère supérieure. Il explora le portefeuille, ouvrit doucement les tiroirs de la table, passa en revue le contenu de toutes les poches. Enfin, il revint jusqu'au lit, glissa avec 1000 précautions, la main sous l'oreiller, puis la retira et resta un moment hésitant sur le parti à prendre. Alors, il fit le tour de la chambre, regarda en détail tous les bibelots, tout ce qui aurait pu servir de cachette. Il alla dans la salle de bain, mais en revint bientôt. Enfin, avec un soupir de dégoût, il sortit comme il était entré. « Ah, te voilà déçu, mon lascar, » murmura Poirot, le nez sous la couverture. « S'imaginer qu'Hercule Poirot cacherait quoi que ce soit dans un endroit où tu pourrais le trouver ?» Et, se tournant sur le côté, Poirot s'endormit paisiblement. Il fut réveillé le lendemain matin par un coup frappé à sa porte, un coup léger mais impérieux. « Qui est là ? Entrez !» La porte s'ouvrit, essoufflée, rouge comme un coq, Colin resta sur le seuil. Michael était derrière lui. « Monsieur Poirot ?»« Oui ?» Poirot s'assit sur son lit. « C'est la tasse de thé matinale, non ? Ah, c'est vous, Colin, qu'est-ce qui se passe ?» Colin restait muet. Il paraissait sous le coup d'une émotion violente. À vrai dire, c'était la vue de Poirot en bonnet de nuit qui paralysait momentanément ses cordes vocales. Il parvint à se dominer et articula des phrases entrecoupées. « Voilà, je crois que, monsieur Poirot, pourriez-vous venir à notre aide ? Il est arrivé quelque chose d'assez inquiétant. Il est arrivé quelque chose, mais quoi ? C'est Bridget, c'est... Voilà, elle est là-bas, dehors, dans la neige, j'ai peur que... Elle ne bouge pas, elle ne dit rien et... Oh, il vaut mieux que vous veniez la voir vous-même. J'ai horriblement peur, elle est peut-être morte. » Quoi ? Cria Poirot en repoussant ses couvertures. Miss Bridget morte ? Je crains qu'on ne l'ait tuée. Il y a du sang. Oh, venez, je vous en prie. Mais bien sûr, j'arrive à l'instant. En hâte, Poirot enfila ses pieds nus dans ses grosses chaussures, passa une pelisse doublée de fourrure sur son pyjama. Je viens. Avez-vous donné l'alarme dans la maison ? Non, non, jusqu'à présent, j'en ai parlé qu'à vous seul. Grand-père et grand-mère ne sont pas encore levés. En bas, on met le couvert du petit déjeuner, mais je n'ai rien dit à Pevrel. Bridget est de l'autre côté de la maison, près de la terrasse, sous la fenêtre de la bibliothèque. Je vois. Conduisez-moi, je vous suis. En lui tournant le dos pour dissimuler son envie de rire et sa jubilation, Colin entraîna Hercule Poirot dans l'escalier. Ils sortirent par la porte de la terrasse. Une journée claire s'annonçait. Le soleil était encore bas, au-dessus de l'horizon. La neige, après être tombée toute la nuit, s'était arrêtée, et sous la couche profonde encore immaculée, le monde n'était que blancheur et pureté. « Là, c'est là !» dit Colline, haletant. Le doigt pointé, il montrait d'un geste dramatique un tableau d'horreur. À quelques mètres, Bridget gisait sous la neige. Elle était vêtue d'un pyjama rouge, et l'écharpe de laine blanche qui lui enveloppait les épaules portait une large tache écarlate. Sa tête reposait sur le côté, le visage caché par ses cheveux noirs. Un bras sous le corps, l'autre tendu à plat sur la neige, la main fermée, les doigts crispés et tout droit au milieu de la tache sanglante, se dressait le manche d'un grand couteau kurde à lame recourbée que le colonel avait montré la veille au soir à ses invités. « Mon Dieu !» s'écria Poirot. « On dirait une scène de théâtre !» Michael faillit s'étrangler. Colin vint aussitôt à la rescousse. « N'est-ce pas ? » dit-il. « Ça n'a pas l'air absolument réel. Vous voyez ces marques de pas ? Je pense qu'il faut les laisser là, tout à fait intactes. Les traces de pas ? Mais comment il faut faire bien attention à ne pas les effacer ?»« C'est ce que je pensais, » dit Colin. « C'est pourquoi je n'ai pas voulu risquer qu'on s'approche d'elle avant que vous ne soyez là. J'étais sûre que vous sauriez ce qu'il fallait faire. » Tout de même, dit Hercule Poirot, il faut tout d'abord voir si elle vit, n'est-ce pas ? Enfin, oui, sûrement, mais vous comprenez, nous croyons, c'est-à-dire que nous ne voulions pas... Oui, vous êtes prudent, vous avez lu des romans policiers. Il importe au plus haut point de ne toucher à rien et de laisser le cadavre dans la position où l'on l'a trouvé. Mais rien ne nous assure qu'il s'agit d'un cadavre. Si admirable que ce soit la prudence, l'humanité passe d'abord. Il faut appeler le médecin avant la police. Oui, naturellement, dit Colline, un peu interloqué. Nous pensions seulement... Je veux dire que nous pensions qu'il valait mieux vous appeler avant tout, dit précipitamment Michael. Allez, restez ici tous les deux, je vais faire le tour et m'approcher d'elle par derrière afin de ne pas effacer ces admirables traces de pas, si parfaitement nettes. Ce sont les pas d'un homme et ceux d'une femme. Ils marchent côte à côte jusqu'à l'endroit où elle se trouve maintenant. L'homme est revenu. Voyez sa trace, mais pas elle. Ce sont sûrement les pas du meurtrier, dit Colline dans un souffle. Exactement, les pas du meurtrier, déclara Poirot. Un pied étroit et long et un type de chaussure assez particulier. Très intéressant, probablement facile à reconnaître. Ces pas vont avoir une importance extrême. À cet instant, Desmond Lee Worsley sortit de la maison avec Sarah. Que diable faites-vous là ? Demanda-t-il d'une façon un peu théâtrale. Je vous ai vu de la fenêtre de ma chambre, qu'est-ce qui se passe ? Grand Dieu, qu'est-ce que c'est ? On dirait... Eh oui, dit Poirot. On dirait bien qu'elle a été tuée, n'est-ce pas ? Sarah sursauta, puis jeta aussitôt un regard soupçonneux aux deux garçons. « Vous voulez dire qu'on a tué la petite ? Comment déjà, Bridget ?» s'écria Desmond. « Qui au monde aurait pu vouloir la tuer ? C'est incroyable !»« Beaucoup de choses sont incroyables, » dit Poirot, « surtout avant le petit déjeuner. » C'est ce que prétend un de vos classiques. « 6 choses sont impossibles avant le breakfast. Restez tous où vous êtes, s'il vous plaît. » Il s'approcha de Bridget, en faisant un détour et se pencha sur elle. Colin et Michael se tordaient et s'efforçaient de contenir leur fou rire. Sarah vint à eux. « Qu'est-ce que vous avez inventé tous les deux ? » dit-elle à voix basse. « Vieille Bridget, elle est épatante. Pas un frisson, pas même un clin d'œil, » murmura Colin. « On ne peut pas mieux faire la morte, » souffla Michael. Hercule Poirot se redressa. « C'est une chose terrible, » dit-il. Sa voix vibrait d'une émotion nouvelle. Vaincus par le fou rire, Colin et Michael se détournèrent. Michael dit en s'étouffant « Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Il n'y a qu'une chose à faire, » dit Poirot. « Appelez la police. »« Je crois, » dit Colin, « je crois... »« Qu'est-ce que tu penses, Michael ?»« Je pense que la blague a assez duré, » dit Michael. Il s'avança, pour la première fois, il ne paraissait pas très sûr de lui. « Je suis désolée. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop, monsieur. C'est enfin une espèce de farce, pour rire, pendant les vacances de Noël, vous comprenez ? Nous nous étions dit que nous allions, enfin, que nous ferions un simulacre de crime. » « Un simulacre de crime en mon honneur. Alors ça, c'est une espèce de représentation pour que vous vous sentiez dans votre élément. Vous comprenez ?» expliqua Colin. « Ah, je comprends, » dit Hercule Poirot. « Vous avez voulu vous payer ma tête. Mais nous ne sommes pas le 1er avril, nous sommes le 26 décembre. »« Au fond, nous n'aurions pas dû faire ça, » dit Colin. « Mais est-ce que vous nous en voulez beaucoup, monsieur Poirot ?» « Allez, Bridget, lève-toi, tu dois être à moitié morte de froid déjà. » Mais le corps étendu dans la neige ne bougea pas. « C'est curieux, elle n'a pas l'air de vous entendre, » dit Poirot en le regardant d'un air grave. « Vous dites que c'est une blague, en êtes-vous bien sûr ?»« Mais naturellement, nous n'avons jamais pensé faire du mal, » dit Colin visiblement peu à son aise. « Alors pourquoi Miss Bridget ne se lève-t-elle pas ?»« Je ne sais pas, » bredouilla Colin. Sarah intervint. « Allons, Bridget, ça suffit, lève-toi. Tu as assez fait la bête comme ça, » dit-elle avec impatience. « Monsieur Poirot, nous sommes vraiment désolés. Nous vous demandons de nous excuser, » dit Colin, l'air vraiment inquiet. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Le ton de Poirot était grave. Colin le regarda fixement. « Que voulez-vous dire ?» Puis, se tournant vers sa cousine, « Bridget, Bridget !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ne bouge-t-elle pas ?» Pourquoi reste-t-elle là, étendue dans la neige ? Poirot fit signe à Desmond. « Vous, monsieur Lee Worsley, venez près de moi. » Desmond obéit. Tâtait son pouls. Desmond s'agenouilla, tâta le bras, puis le poignet. « Elle n'a plus de pouls, » dit-il en regardant Poirot les yeux écarquillés. « Son bras est raide. Elle est vraiment morte. » Poirot inclina la tête. « Oui, elle est morte, » dit-il. De cette comédie, quelqu'un a fait une tragédie. Quelqu'un ? Mais qui ? Il y a des traces de pas sur la neige, allant vers elle et revenant vers la maison. Ces traces ressemblent étrangement à celles que vous venez de faire en venant du sentier jusqu'à moi, monsieur Lee Worsley. Desmond Lee Worsley fit un brusque demi-tour. Hein ? Pourquoi vous m'accusez ? Moi ? Vous êtes fou ? Pourquoi diable aurais-je tué cette petite ? Ah, pourquoi ? Je me le demande. Nous allons voir. Poirot s'agenouilla à son tour et très doucement desserra les doigts crispés de Bridget. Desmond sursauta, les yeux exorbités. Il regardait cette main. Ce que tenait la jeune morte avait l'air d'un énorme rubis. « C'est cette espèce de machin qui était dans le pudding !» s'écria-t-il. « Vraiment ? Vous en êtes sûr ?» demanda Poirot. « Absolument sûr !» Vivement, Desmond se pencha et prit la pierre rouge dans la main de Bridget. « Il ne faut pas faire ça !» dit Poirot d'un ton de reproche. « Rien ne doit être changé de place. Je n'ai pas modifié la position du corps, il me semble. Mais cet objet pourrait se perdre, et c'est une pièce à conviction. L'important, c'est d'appeler la police le plus tôt possible. Je vais tout de suite téléphoner. » Et il partit en courant vers la maison. Sarah, pâle comme une morte, se rapprocha vivement de Poirot. « Je ne comprends pas, » dit-elle en s'accrochant au bras du détective. « Que vouliez-vous dire avec cette histoire de pas ?» Regardez-vous-même, mademoiselle. Les empreintes qui accompagnaient celles des pas de Bridget et revenaient ensuite vers la maison étaient identiques à celles qu'avait laissées Desmond en rejoignant Poirot auprès de Bridget. Vous voulez dire que c'est Desmond ? Quelle absurdité ! Un bruit de moteur les fit retourner. Ils virent filant à toute allure dans l'avenue une voiture que Sarah reconnut. C'est Desmond, s'écria-t-elle. C'est sa voiture. Il est sûrement parti chercher la police plutôt que de téléphoner. Diana Middleton sortit en courant de la maison. « Qu'est-il arrivé ? » cria-t-elle hors d'haleine. « J'ai vu Desmond qui se précipitait dans la maison. Il a dit je ne sais quoi, il racontait que Bridget aurait été tuée. Il a essayé de téléphoner, il n'y est pas arrivé, la ligne était en dérangement. Il a dit qu'on avait dû couper les fils et que la seule chose à faire était de prendre sa voiture et d'aller chercher la police. Pourquoi la police ?» Poirot fit un geste vague. « Bridget ?» Diana le regarda. « Mais vous êtes sûr que ce n'est pas une sorte de blague ? Hier soir, j'ai entendu quelque chose. J'ai cru comprendre que les gosses voulaient vous faire une farce. »« Oui, » dit Poirot. « Ils avaient bien dans la tête de me jouer un tour. Écoutez-moi, venez dans la maison tous, tant que vous y êtes. » Nous allons attraper le coup de la mort avec ce froid et nous ne pouvons rien faire avant que M. Lee Worsley revienne avec la police. Mais M. Poirot, nous ne pouvons pas laisser Bridget comme ça, toute seule ici, dit Colin. Vous ne lui ferez aucun bien en restant auprès d'elle, dit doucement Poirot. Venez, c'est une tragédie, une chose douloureuse, mais nous ne pouvons rien faire de plus pour Miss Bridget. Il faut entrer, nous réchauffer, peut-être même prendre une tasse de thé ou de café. Docilement, ils le suivirent dans le hall. Peverell s'apprêtait à frapper sur le gong. Si extraordinaire qu'il pût trouver le fait que presque toute la maison soit dehors à cette heure-là, et M. Poirot très à son aise en pyjama sous sa pelisse, il n'en laissait rien paraître. Malgré son grand âge, Peverell demeurait le maître d'hôtel parfait. Il ne voyait jamais rien à moins qu'on ne l'eût prié. Ils allèrent tous s'asseoir dans la salle à manger, et quand chacun eut une tasse de café bien chaud devant lui, Poirot reprit la parole. Il faut que je vous raconte une petite histoire. Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais je vais vous indiquer les grandes lignes. Il s'agit d'un jeune prince oriental. Il est venu en Angleterre, apportant avec lui un bijou renommé qu'il désirait faire remonter pour la princesse qu'il allait épouser. Malheureusement, il a fait à Londres la connaissance d'une très jolie personne. Cette jolie personne, si elle ne s'intéressait que relativement à lui, s'intéressait beaucoup à ce bijou. Elle s'y intéressait si fort qu'un jour elle a disparu avec le joyau qui appartenait à la famille du prince depuis des générations. Et le pauvre garçon s'est trouvé dans un abominable pétrin. Il fallait avant tout éviter le scandale. Impossible donc d'alerter la police. Alors il est venu trouver Hercule Poirot et lui a dit « Retrouvez-moi mon rubis, héritage de mes pères. » Or, la jolie personne possédait un ami qui s'était déjà livré à diverses transactions des plus douteuses. Chantage, vente à l'étranger de bijoux passés en fraude, et s'était montré fort habile, puisque, bien qu'on le soupçonne, on n'a jamais rien pu prouver contre lui. J'ai appris que ce monsieur fort habile passait les fêtes de Noël dans la maison où nous sommes. Il importait que la jolie personne, une fois en possession du rubis, disparaisse pendant quelque temps. Qu'il soit impossible de lui poser des questions, ni d'exercer sur elle la moindre pression. Et il fut entendu qu'elle aussi viendrait à King's Lassie, invitée comme la sœur de l'homme habile. Sarah poussa un sourd gémissement. « Oh non, non, pas ici, avec moi !»« C'est pourtant comme ça, mademoiselle, » dit Poirot. « Grâce à un peu de diplomatie, j'ai été également invitée à King's Lassie pour Noël. Cette jolie personne était censée sortir de l'hôpital. Elle allait beaucoup mieux. Mais en arrivant ici, elle apprend qu'un détective bien connu, moi-même, vient ici passer les fêtes. Elle prend le trac, cache le rubis dans le premier coin qui lui vient à l'esprit, et presque tout de suite, elle a une rechute et se met au lit. Pour rien au monde, elle ne veut que je la voie, certaine que j'ai des photos d'elle et que je la reconnaîtrai. C'est ennuyeux pour elle, mais il faut bien qu'elle reste dans sa chambre et que son frère lui monte ses plateaux. « Oui, mais le rubis ?» demanda Michael. Je crois savoir qu'au moment où elle a appris que j'arrivais, la jolie personne était dans la cuisine avec vous tous, à rire et à blaguer en tournant les puddings de Noël. Dès qu'on eut mis les puddings dans les bols, la demoiselle s'arrange pour cacher le rubis en l'enfonçant dans l'un d'eux. Pas dans celui qui devait être servi le jour de Noël. Ah, mais non, elle le connaît, il a un décor spécial. Mais elle le met dans celui qu'on garde pour le 1er janvier. Elle sera partie avant cette date et le pudding avec elle. Mais voyez comme le hasard fait bien les choses. Le matin même de Noël, il arrive un accident. Le beau moule contenant le Christmas pudding tombe sur le dallage de la cuisine et se casse en 1000 morceaux. Que faire ? L'excellente Miss Ross prend vite l'autre pudding. Et celui-là, c'est celui-là qu'on sert à la salle à manger. Nom d'une brique, s'écria Colin. Mais alors grand-père a failli se casser les dents en mangeant son pudding. C'est un vrai rubis qu'il avait dans sa bouche ? Justement. Et vous imaginez l'émotion de M. Lee Worsley quand il s'en est rendu compte. Qu'arrive-t-il ensuite ? Le rubis est passé à la ronde, je l'examine à mon tour et je m'arrange pour le glisser en douce dans ma poche, avec un air indifférent, comme si ça ne m'intéressait pas du tout. Mais un des convives au moins m'avait vu faire. Le soir, lorsque j'étais couchée, le dit convive est venu fouiller dans ma chambre. Il a fouillé dans toutes mes affaires et jusque sous mon oreiller, sans trouver le rubis. Pourquoi ? Parce que vous l'aviez donné à Bridget, c'est bien ça, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi... Mais je ne comprends pas bien, je veux dire... Oh, dites-nous ce qui s'est passé. Poirot le regarda en souriant. Venez maintenant dans la bibliothèque. Regardez par la fenêtre et ce que vous verrez éclaircira peut-être le mystère. Il passa le premier et tous les autres le suivirent. Regardez maintenant le lieu du crime, dit-il. Une exclamation générale lui répondit. Le corps de Bridget n'était plus là. Il ne restait de la tragédie d'autres traces que beaucoup de neige piétinée. Nous n'avons pourtant pas rêvé, dit Colline du voix faible. On a emporté son corps. Vous voyez, dit Poirot en le regardant avec des yeux malicieux, c'est le mystère du cadavre à Eclipse. Mais sapristi, monsieur Poirot, cria Michael, vous nous avez fait marcher pendant tout ce temps ? Poirot paraissait ravi. C'est vrai, mes enfants. Moi aussi, j'ai fait ma petite blague. J'étais au courant de vos projets. Voyez-vous, alors j'ai organisé un contre-projet à ma façon. Ah, voici Miss Bridget. J'espère que vous ne vous portez pas plus mal pour être restée si longtemps dans la neige. Si vous deviez avoir une fluxion de poitrine, je ne me le pardonnerai jamais. Bridget entrait en riant. Elle avait enfilé une jupe épaisse et un chandail de laine. Je vous ai fait porter une tasse de tisane dans votre chambre. J'espère que vous l'avez prise, demanda Poirot sévèrement. Une gorgée m'a suffi, dit Bridget. Je vais très bien. Ai-je bien tenu mon rôle, monsieur Poirot ? Oh là là, mon bras me fait encore mal. C'est ce garrot que vous m'avez fait mettre. Vous avez été magnifique, mon enfant, magnifique. Mais vous voyez, les autres n'y comprennent encore rien. Hier soir, je suis allée trouver Miss Bridget. Je lui ai dit que j'étais au courant de votre petit complot et je lui ai demandé si elle voulait bien jouer un rôle pour moi. Elle l'a joliment bien joué. Elle a fait les empreintes du meurtrier avec une paire de chaussures de Monsieur Lee Worsley. Dans quel but tout ça, Monsieur Poirot ? S'écria Sarah d'une voix rauque. Pourquoi avoir envoyé Desmond chercher la police ? Les flics seront furieux quand ils verront que c'est une mystification. Poirot secoua la tête et dit doucement : Je n'ai pas cru un instant que Monsieur Lee Worsley irait chercher la police, mademoiselle. Un meurtre est la dernière chose à laquelle il désire être mêlé. Il a perdu son sang-froid et n'a vu que l'occasion pour lui de s'emparer du rubis. Il l'a arraché de la main de Miss Bridget. Il a prétendu que le téléphone ne marchait pas et il est parti comme un fou dans sa voiture sous prétexte d'alerter la police. À mon avis, vous ne le reverrez pas de sitôt. Autant que je sache, il ne manque pas de moyens personnels pour quitter l'Angleterre. Il possède un avion particulier, n'est-ce pas ? Oui, dit Sarah. Nous avions pensé... Elle s'arrêta court. Vous aviez pensé partir ensemble dans cet avion, n'est-ce pas ? C'était un excellent truc pour faire sortir incognito un bijou d'Angleterre. On enlève une jeune fille, la presse s'empare de l'incident, les journaux en sont pleins, et personne ne vous soupçonne d'emporter du même coup un joyau universellement renommé. Très bon camouflage. Je n'en crois rien, dit Sarah. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Demandez donc à sa sœur, dit Poirot en regardant avec insistance par-dessus l'épaule de Sarah. Une fort jolie blonde platinée, vêtue d'un manteau de fourrure, s'était arrêtée sur le seuil, l'air furieux. Sa sœur, mon œil, dit-elle avec un vilain rire, ce cochon-là n'est pas mon frère. Alors il a fichu le camp et il me laisse me débrouiller dans cette pagaille. C'est lui qui a tout combiné, c'est lui qui m'a fait marcher. Soi-disant, c'était du fric à ramasser sans risque. Jamais les autres n'oseraient faire d'histoire à cause du scandale, et je pouvais toujours les menacer de dire qu'Ali m'avait donné son fameux rubis. On se partagerait le pèse à Paris, et maintenant il me plante là, je le tuerais. Puis, changeant brusquement de ton, le plus tôt je sortirai d'ici, est-ce qu'on pourrait téléphoner pour avoir un taxi ? Une voiture attend devant le perron pour vous conduire à la gare, mademoiselle, dit Poirot. Il paraît que vous pensez à tout, vous. À presque tout, dit-il avec complaisance. Mais Poirot n'allait pas s'en tirer comme ça. Lorsqu'il revint à la salle à manger, après avoir mis la fausse Miss Lee Worsley en voiture, Colline l'attendait, les sourcils froncés. Mais dites donc, monsieur Poirot, et le rubis ? Vous n'allez pas me dire que vous avez laissé ce type filer avec ? Hercule Poirot prit un air consterné. Il tortillait sa moustache et semblait gêné. Je le rattraperai, dit-il d'une voix faible. Il y a bien des moyens, j'arriverai encore. Quand j'y pense, dit Michael, laissez ce porc-là partir avec le rubis. Bridget, elle, avait compris. Il nous fait encore marcher, cria-t-elle. Ce n'est pas vrai, monsieur Poirot ? Un dernier tour de passe-passe, mademoiselle. Cherchez dans ma poche de gauche. Bridget obéit et retira sa main de la poche indiquée avec un cri de triomphe en montrant l'énorme rubis qui scintillait comme une étoile écarlate. Voyez-vous, celui que vous serriez dans votre main était une pierre fausse. Je l'avais apporté de Londres pour le cas où une substitution serait possible. Nous ne voulons pas de scandale. Monsieur Lee Worsley va essayer de vendre sa pierre à Paris ou en Belgique, là où il a des relations. On s'apercevra alors que cette pierre est fausse. Nous ne pouvons rien souhaiter de mieux. Tout finit bien. Le scandale est évité, mon petit prince retrouve son rubis, il rentre dans son pays et fait un mariage sérieux et heureux. Du moins, nous l'espérons. Tout finit bien. Sauf pour moi, murmura Sarah. Elle avait parlé si bas que personne ne l'avait entendu, sauf Poirot. Il secoua la tête doucement. Là, mademoiselle, vous vous trompez. Vous avez acquis de l'expérience, et même cruelle, l'expérience est précieuse. Dans l'avenir, je vous le prédis, vous trouverez le bonheur. C'est vous qui le dites, soupira Sarah. Mais enfin, monsieur Poirot, comment saviez-vous d'avance quelle blague nous voulions vous faire ? Demanda Coligny. C'est mon métier de savoir les choses, dit Hercule Poirot en frisant sa moustache. Oui, mais je ne vois pas comment vous y êtes arrivé. Est-ce que quelqu'un a vendu, est allé vous le raconter ? Non, non, pas du tout. Alors comment ? Dites-nous comment ? Et tous reprirent en cœur. Oui, oui, dites-nous comment ? Vous voulez vraiment que je vous explique ce dernier mystère ? Oui. Je ne sais pas si je dois le faire. Vous serez tellement déçus. Oh, monsieur Poirot, comment avez-vous su ? Eh bien, voyez-vous, l'autre soir, après le thé, j'étais installée dans un fauteuil de la bibliothèque, près de la fenêtre. Je me reposais bien, j'ai même fait un petit somme. Et quand je me suis réveillée, vous étiez tous les trois dans les dés qui passent sous la fenêtre. Tout près de moi, discutant, ferme la mise au point de votre conspiration. Et la fenêtre était entrebâillée. C'est tout ? Dit Colline dégoûtée. Comme c'est simple ! N'est-ce pas ? Dit Poirot en souriant. Vous voyez, vous êtes déçus. C'est vrai. Mais en tout cas, maintenant, nous savons tout, déclara Michael. Mais Poirot pensait, ce n'est pas vrai pour moi, bien que ce soit mon métier de savoir les choses. Comme il traversait le hall quelques minutes plus tard, pour la 20e fois peut-être, il sortit de sa poche un papier fripé. Ne mangez pas rien du pudding. Quelqu'un qui vous veut du bien. Hercule Poirot hochait la tête, l'air pensif. Lui qui pouvait tout expliquer, il n'arrivait pas à expliquer ça. C'était humiliant. Qui l'avait écrit et pourquoi ? Il n'aurait la paix que lorsqu'il l'aurait trouvé. Il fut tiré de sa rêverie par un léger bruit et ramené au monde extérieur. Il aperçut au milieu de la pièce une petite créature avec des cheveux filasses, enveloppée d'un grand tablier à fleurs qui s'affairait avec un balai et une pelle à poussière. Elle s'était arrêtée et regardait fixement le papier qu'il tenait à la main. « Oh, monsieur, s'il vous plaît, monsieur !» s'écria la petite personne. « Qui êtes-vous, mon enfant ?» demanda gentiment Poirot. « Annie Bat. Monsieur, sauf votre respect, je viens aider Miss Ross. Je ne voulais pas, je n'aurais jamais voulu faire quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'était pour le bien, monsieur. Je veux dire, pour votre bien. » La lumière se fit dans l'esprit de Poirot. Il lui montra le chiffon de papier. « C'est vous qui avez écrit ça, Annie ?»« Je ne voulais rien faire de mal, monsieur, c'est bien vrai. » Poirot lui sourit. « Naturellement, vous ne voulez rien faire de mal. » »« Racontez-moi votre histoire, Annie. Pourquoi avez-vous écrit cela ?»« Voilà, monsieur. C'est ces deux-là, monsieur Lee Worsley et sa sœur. » Mais ce n'était pas sa sœur, j'en suis sûre. Personne de nous autres ne le croyait, et elle n'était pas plus malade que moi. Nous le savions tous, et nous trouvions qu'il se passait quelque chose de drôle. Je vais tout vous dire, monsieur. J'étais dans sa salle de bain, à elle, j'apportais des serviettes propres, et j'ai écouté à la porte. Il était venu dans la chambre et ils causaient tous les deux. J'entendais ce qu'il disait, comme je vous entends. Ce détective qu'il disait, ce Poirot qui arrive tout à l'heure, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Et puis le voilà qui dit d'une façon vilaine, sinistre, en baissant la voix, « Où l'as-tu mis ?» Et elle, « Dans le pudding », qu'elle lui répond. « Oh, monsieur, monsieur, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai cru qu'il voulait vous empoisonner avec le pudding de Noël. Je ne savais pas quoi faire. Miss Ross, elle, n'écouterait jamais une fille comme moi. » Alors l'idée m'est venue qu'il fallait que je vous écrive un mot d'avertissement. C'est ce que j'ai fait et je l'ai mis sur votre oreiller où vous seriez sûr de le voir en venant vous coucher. Annie se tut à bout de souffle. Poirot la considéra sérieusement pendant un instant. Annie, dit-il, je crois que vous allez voir trop de films d'épouvante. ou que c'est la télévision qui vous trouble. Enfin, c'est très important, vous avez un bon cœur et de l'ingéniosité. Quand je serai rentrée à Londres, je vous enverrai un cadeau. Oh, merci monsieur, merci beaucoup. Dites-moi quel cadeau vous ferait plaisir. Ce qui me ferait plaisir, monsieur, vous me donneriez n'importe quoi pour me faire plaisir ? Oui, dans les limites raisonnables, dit prudemment Poirot. Oh monsieur, est-ce que je pourrais avoir un poudrier tout à fait de dernier modèle, le plus chic, comme celui qu'avait la sœur de monsieur Lee Worsley qui n'était pas sa sœur ? Oui, Annie, je crois que ce sera possible. Et voilà qui m'intéresse, murmura Poirot. L'autre jour, je regardais dans un musée des objets antiques trouvés à Babylone, ou dans une autre ville qui date de plusieurs milliers d'années. Et parmi ceux-ci, il y avait des boîtes à phares. Le cœur des femmes n'a pas changé. Pardon, monsieur, dit Annie. Rien. Je réfléchissais, mon petit. Vous aurez votre poudrier. Annie s'éloigna, extasiée. Poirot la suivit des yeux, tout heureux lui-même. Bon, se dit-il, maintenant je m'en vais. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais brusquement, deux bras lui entourèrent les épaules. S'il vous plaît, monsieur Poirot, restez sous le gui une minute, dit Bridget. Poirot était ravi, absolument ravi. Quel heureux Noël, se dit-il. Et c'est donc la fin de notre chapitre 5 et de la première partie de notre livre Christmas Pudding. On se retrouve demain pour la suite. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir mes bons connectalopes. Enfin, nyctalope, c'est qui voit la nuit. Moi, il me faut un mot pour dire qui écoute la nuit. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me contacter. Mais pour l'heure, ça n'est pas la question, on va partir pour un petit dans les épisodes précédents. Alex Blocker, l'archétype de l'homme viril et luisant que je ne vous présente plus, a décroché un travail de bureau dans l'armée qu'il hésite à accepter. Et surtout, il se rend enfin compte que Cory, le petit garçon que garde sa grand-mère, est le fils de Messi, son crush, d'il y a 5 ans, mais qu'il aime toujours parce qu'il continue à flirter. Par contre, il ne se rend toujours pas compte que c'est aussi son fils, qu'il est papa, mais il ne le sait pas. Il croit juste qu'il a embrassé une femme mariée et il en est tout penaud. Voilà, maintenant que tout le monde est à peu près à jour, on va repartir pour le chapitre 5. Cornelius, je t'ai déjà dit de ne pas parler aux étrangers. Massy savait très bien qu'elle réagissait d'une manière stupide. Son ton inquiet risquait d'effrayer son fils, et de plus, Alex était loin d'être un étranger. Le cœur battant, elle saisit l'enfant par le bras, l'entraîna dans la maison et referma la porte. Cory la regarda, les yeux pleins de larmes et la lèvre inférieure tremblante. « Mais maman, c'est pas un étranger. C'est le petit-fils de grand-mère Willadine. » Messi s'appuya contre le comptoir de la cuisine, le souffle court. Comment avait-elle pu à ce point perdre son sang-froid ? Tout ce qu'avaient fait Cory et Alex, c'était de jouer au ballon. Alex n'allait pas faire de mal à Cory. C'était pour elle qu'elle avait peur. Peur qu'il réagisse violemment en apprenant l'existence de son fils. Peur qu'il la méprise. Décidément, cette situation ne pouvait pas durer. Il fallait qu'elle parle rapidement à Alex. « Excuse-moi, mon ange. Je ne voulais pas te faire peur. Va regarder la télévision pendant que je prépare le dîner. »« J'ai pas peur. Tonton Alex est dans l'armée de l'air, il me défendra. » Par la fenêtre, elle aperçut Alex qui, l'air perplexe, faisait tourner le ballon entre ses larges mains. « Mon Dieu, oncle Alex, si Cory savait. » Le ballon sous le bras, Alex entra dans la cuisine, où les merveilleux arômes qui flottaient lui firent presque oublier Messi et son fils. « Où est notre garçon ?» demanda grand-mère en ajoutant du sel dans la soupe qui mijotait. Bloch jeta le ballon dans un coffre à jouets, près de la porte, alla se laver les mains et s'installa à table. « Sa mère l'a appelé. Je ne savais pas que c'était le fils de Messie. Qui est son père ? Grand-mère remplit une assiette et la posa devant lui. Il n'y en a pas. À la fin de sa dernière année de médecine, Messie est arrivée avec un bébé. Elle a dit que c'était le fils d'une mère célibataire et qu'elle allait s'occuper de lui jusqu'à ce que sa mère ait décidé de ce qu'elle allait faire dans sa vie. Mais depuis que le petit est arrivé, je n'ai jamais vu cette femme. Elle versa du thé dans deux verres et s'assit en face de son petit-fils. Celui-ci poussa un discret soupir de soulagement. Au moins, il n'avait pas commis un impair en embrassant Messie. Il savoura pensivement une cuillerée de soupe. Ce que lui avait dit sa grand-mère ressemblait bien à la Messie qu'il connaissait. Enfant, elle recueillait toujours les animaux errants ou les oiseaux blessés. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle s'occupe de l'enfant d'une autre. « Elle se montre très protectrice avec ce garçon, » observa-t-il pensivement. « C'est vrai, mais c'est un enfant adorable et je suis contente de le garder pour Messie. Et puis, cela me permet d'oublier mon âge. « Tu es la plus jeune grand-mère que je connaisse, » la rassura-t-il en lui adressant un grand sourire. « Arrière-grand-mère, » corrigea Willadine, le regard brillant de fierté. « Quand vas-tu te marier pour me donner un autre arrière-petit-enfant ? Je te rappelle que ta sœur Jenny m'en a déjà donné trois. Tu sais bien que je n'aime pas le genre de vie qui conduit à se marier et à fonder une famille. » La vérité était qu'il n'avait pas trouvé la femme qu'il lui fallait. Pendant un temps, il avait pensé que Messie pourrait être celle-là. Mais c'était avant qu'elle aille faire ses études. À présent, elle avait une carrière. Et lui, qu'avait-il ? S'il acceptait le poste de recruteur, il recevrait une pension de retraite, mais ne ferait plus rien de passionnant du reste de sa vie. Pendant ses rares heures libres, il avait passé un diplôme d'aiguilleur du ciel, mais il n'y avait aucun aéroport dans la région de Lindenville. C'était peut-être vrai avant, mais maintenant, avec ce travail de recruteur, tu pourras sûrement te marier et te fixer enfin, décrita Willadine, levant le menton d'un air de défi. Pensif, il ne répondit rien, et termina son repas dans un silence que sa grand-mère n'osa troubler. Alex attendait son tour dans la file devant le camion de la Croix-Rouge, garé à côté d'un drugstore du centre de Lindenville. Après sa participation aux opérations de secours, la nuit de la tornade, puis au nettoyage des arbres tombés le lendemain, on n'avait plus besoin de ses services. Il n'avait jamais pu rester assis à ne rien faire. Aussi, quand le bruit lui était parvenu que l'on avait un besoin urgent de sang, il avait été parmi les premiers à se présenter. Il faisait beau, et le ciel clair indiquait à coup sûr que l'automne était enfin arrivé. Une légère brise apportait la fraîcheur idéale pour compenser la chaleur du soleil. « Au suivant !» Il avança et reçut le questionnaire de routine. Il l'avait rempli des douzaines de fois auparavant. Aussi lui fallut-il peu de temps pour répondre à toutes les questions. Il appartenait à un groupe sanguin rare qui manquait souvent. Il rendit l'écritoire à la bénévole, debout à la porte du camion, et lui tendit aussi sa carte de donneur. Le visage de cette femme ne lui était pas inconnu. « Je vois que vous êtes un habitué. » dit-elle en souriant. Soudain, il se souvint. C'était Bettina, qui avait comploté avec lui la veille, quand il avait organisé le pique-nique de Messie au dispensaire. « Oui, on manque toujours de sang de mon groupe. Et merci de m'avoir aidé pour le repas surprise du docteur Jackson. Elle en avait vraiment besoin. Je sais, depuis le matin, nous insistions pour qu'elle prenne une petite pause. » Bettina parcourut le formulaire qu'il avait rempli. Dit-elle pensivement. Je ne connais qu'une personne dans cette ville qui soit de ce groupe-là. C'est Corey Jackson. Oui, c'est un groupe rare. Alors j'essaie toujours de donner quand on lance un appel. C'est très utile, en effet. Entrez, nous allons nous occuper de vous. Le 4x4 rouge n'était pas garé devant la maison de Willadine quand Messie fit traverser à son fils encore ensommeillé les deux jardins de devant. Y avait-il un espoir pour qu'Alex soit parti pour la journée ? Il avait peut-être encore du travail de nettoyage à effectuer ? « Tu crois que tonton Alex sera là aujourd'hui ?» murmura Cory pendant que Messie frappait à la porte et entrait. « Je ne crois pas, sa voiture n'est pas là. Tu joueras avec grand-mère aujourd'hui. » Willadine s'activait déjà dans la cuisine. « Nous voilà, grand-mère !» déclara Messie. La vieille dame se retourna, sourit et gratifia le petit garçon d'une tendre accolade. « Comment va mon petit trésor aujourd'hui ?»« Bien, » répondit Cory. « Où est le tonton Alex ?»« Oh !» Il y avait des choses à faire aujourd'hui. Il rentrera quand il pourra. Cory parut déçu, puis son visage s'éclaira. Alors on va faire des cookies, toi et moi. Sinon je vais m'ennuyer. Cory, tu fais du chantage. s'indigna Messi. Qu'est-ce que c'est, un chantage? Je veux juste faire des cookies. Et si vous essayiez une recette qui ne contient pas trop de sucre? Suggéra Messi à Willadine. Pour toute réponse, elle obtint une moue sceptique. Mieux valait abandonner la partie. Viens me faire un baiser, Cory, avant que j'aille travailler. Et surtout, sois sage! La coupa le petit garçon en se jetant dans ses bras pour l'embrasser. Après avoir donné son sang, Alex alla proposer ses services à la cellule de crise installée à la mairie. Mais les autorités locales semblaient avoir la situation bien en main. Les experts des compagnies d'assurance s'activaient pour évaluer les dégâts, et la plupart des débris avaient déjà été enlevés. Le seul véritable travail qui restait était d'enlever les camions renversés et abîmés du parking Farron. Mais on attendait le matériel nécessaire. Alex décida donc de terminer son travail au dispensaire de Messi. L'aspect des lieux n'avait pas changé, mais quelqu'un s'était déjà occupé de l'arbre, qui était maintenant débité en morceaux empilés avec soin sur le bord de la route. Tant pis, il était venu alors il allait au moins entrer. Il gara sa voiture dans le parking, modérément rempli ce jour-là. Peut-être arriverait-il à convaincre Messi de déjeuner avec lui? En tout cas, il pouvait toujours le lui proposer. Bettina étant occupée au camion de la Croix-Rouge, une autre secrétaire la remplaçait à la réception. Elle leva les yeux et sourit. « Puis-je vous aider ?»« Je voudrais seulement dire quelques mots au docteur Jackson. »« Avez-vous rendez-vous ?»« Non, c'est personnel. » »« Ne soyez pas gênée, c'est mon travail. Vous pouvez m'indiquer la nature du problème et je verrai si c'est urgent ou non. Le docteur Jackson est occupé pour l'instant. Mais si vous pouvez attendre, je peux vous mettre à 11h30. » Il ne s'agit pas d'un problème médical. Je voudrais juste parler à Messi. Laissez, Nissa. J'ai besoin d'une minute pour parler au sergent bloqueur, dit derrière eux la voix calme et professionnelle de Messi. Alex se retourna, le cœur battant. Messi sortait d'une salle d'examen. Curieusement, elle affichait un air inquiet. Mais comme elle était belle dans sa blouse blanche. Simplement, c'était dommage de serrer cette superbe chevelure en un chignon banal. Bonjour. « Dit-il. Je viens t'inviter à prendre un vrai déjeuner aujourd'hui. C'est une véritable invitation, et non une ruse cette fois, » précisa-t-il en souriant. Messi pouffa, mais la lueur de méfiance dans son regard ne disparut pas tout à fait. « Ah, c'est ce monsieur !» murmura la secrétaire. Apparemment, la nouvelle de la conspiration s'était répandue. Le visage de Messi s'empourpra, et Alex se dit qu'elle commençait peut-être à éprouver un peu de sympathie à son égard. La porte d'entrée s'ouvrit, livrant passage à une femme et deux jeunes enfants qui s'approchèrent du comptoir. « Je te laisse travailler, » dit Alex. « À tout à l'heure. » Il exécuta une sorte de courbette et se dirigea vers la porte, souriant comme un enfant le matin de Noël. Il se trouvait déjà dans le parking quand il réalisa qu'il ne lui avait pas demandé à quelle heure elle finissait. Il faillit rentrer de nouveau, mais il se dit que grand-mère connaîtrait sûrement la réponse. Messi se demanda si elle avait eu raison d'accepter un rendez-vous avec Alex. Mais en déjeunant avec lui, elle pourrait peut-être repousser l'inévitable. Avant de lui dire la vérité pour Cory, elle souhaitait d'abord mieux connaître l'homme qu'il était devenu. Une sourde angoisse l'envahit alors. Comment réagirait-il en apprenant sa paternité? Allait-il disparaître, comme l'avait fait le père de Messi, pour fuir ses responsabilités? Mais dans ce cas, elle espérait qu'il poursuivrait le cours de sa vie sans ravager la sienne. Évidemment, s'il acceptait ce poste à Florence, il serait souvent en Lindenville. Et si, au lieu de ruminer des inquiétudes stériles, elle lui disait tout sans attendre? Et cela dès aujourd'hui, quand il viendrait la chercher pour déjeuner. Oui, elle lui révélerait tout, aujourd'hui. Elle avait attendu trop longtemps. Et puis, Alex et elle étaient deux adultes responsables qui allaient bien trouver un terrain d'entente. Aussi heureux que s'il venait de recevoir un cadeau, Alex rentra chez Willadine. Il aimait l'idée d'un rendez-vous avec Messi. Dans le passé, les rendez-vous n'avaient jamais beaucoup compté pour lui. Et il n'avait pas eu de relation stable depuis... Combien de temps exactement? Il ne s'en souvenait plus. Dans la maison flottait le délicieux parfum, reconnaissable entre mille, des cookies au gingembre. Une recette secrète de grand-mère. Enfin, pas tout à fait secrète. Car il avait souvent aidé sa grand-mère à confectionner des cookies quand il était enfant. Disons qu'elle n'avait jamais donné la recette à personne d'autre. En arrivant dans la cuisine, il éprouva une autre impression de déjà-vu en apercevant Cory à genoux sur une chaise, un des tabliers de grand-mère noué autour de son corps fluet. Une cuillère à la main, il disposait avec application des petits monticules de pâte sur une plaque. Alléché, Alex éprouva l'envie de s'asseoir pour prendre part à la fête. « Ça me rappelle de bons souvenirs, » dit-il en s'approchant. « Alex !» protesta sa grand-mère. « Je ne t'ai pas entendu entrer. Et si j'avais renversé toute ma plaque de cookies ? Faire une peur pareille à une vieille dame comme moi ? Où as-tu la tête ?» Cory leva les yeux et sourit. « T'es revenu !» Lui ébouriffant les cheveux en passant, Alex se tira une chaise et s'assit à califourchon, les bras posés sur le dossier. Il y avait quelque chose d'indéfinissable chez cet enfant qui lui plaisait. « Tu n'es pas une vieille dame, grand-mère. Et je ne voulais pas te surprendre. Simplement, vous étiez tellement absorbée dans votre travail que vous ne m'avez pas vue. Eh bien, maintenant, je te vois. Et je parierais que dans 2 secondes, tu vas me demander un verre de lait et une assiette de ces cookies qui sortent du four. « Tu me connais par cœur !» répondit-il en riant. Du bout de l'index, il prit un peu de pâte dans le bol et goûta le mélange. « Ne mange pas de la pâte crue, voyons !» Grand-mère posait plusieurs biscuits sur une assiette devant Cory et Alex. Ce dernier adressa un clin d'œil à l'enfant. « Et si nous jouions à être les goûteurs officiels des cookies de grand-mère ?»« Oui !» s'exclama Cory. « Ce que je préfère le plus, c'est de les manger, les cookies !» Avec 2 verres de lait, c'est parti. Quelques instants plus tard, Alex engageait avec Cory une grande dégustation de biscuits maison pendant que Will Adin s'activait dans la cuisine. Soudain, Alex s'aperçut que la vieille dame s'était immobilisée et qu'elle observait leur pitrerie avec un curieux intérêt. « Qu'est-ce que tu regardes, grand-mère ? » demanda-t-il. « Rien. Seulement mes 2 garçons préférés qui se régalent avec une assiette de cookies. » « Est-ce que vous vous êtes vus, Messie et toi, ces derniers temps ?» Étonné par ce changement de sujet, Alex haussa les sourcils. « Nous voir ? Comment cela ?» Le cœur battant soudain très vite, il regarda sa grand-mère qui fixa avec intensité le petit garçon assis à côté de lui. Et brusquement, il se souvint du commentaire de Bettina. Et ce fut comme si un voile se déchirait dans sa tête. Cory et lui avaient le même groupe sanguin. « Quel âge a ce garçon ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Il a eu 4 ans en mai, » murmura grand-mère, apparemment bouleversée par ce qu'elle venait d'entrevoir. Alex effectua un rapide calcul mental. Il avait passé une nuit merveilleuse avec Messi en août, à la période où Cory devait avoir été conçu. Il se souvenait de leur rencontre, à Fayetteville, quand Messi vidait l'appartement de CJ. Il était resté pour l'aider, et dans leur chagrin, ils s'étaient réunis, pour la nuit la plus inoubliable de sa vie. Après cette nuit, il avait dit à Messi de l'appeler s'il y avait un problème. Il lui avait donné ses 2 numéros. Elle n'avait jamais appelé. Pourquoi ? Par dégoût ? Parce qu'elle avait appris à soigner et lui à tuer ? Était-ce pour cette raison qu'elle avait vécu sa grossesse sans en informer personne, puis en mentant sur les origines de son fils ? Avait-elle honte du père de son enfant ? Alex abattit son poing fermé sur la table avec une telle force que du lait se répandit autour de son verre. Le visage de Cory se crispa comme s'il allait pleurer, et Alex se ressaisit à temps pour ne pas l'effrayer. Il inspira lentement, plusieurs fois, sans pouvoir parvenir à se calmer tout à fait. Il voulait en avoir le cœur net. En se levant, il fit tomber sa chaise sans même s'en apercevoir. « Où vas-tu ? » lui demanda grand-mère, inquiète, en épongeant le lait. « Parlez à Messie. »« Tu devrais peut-être attendre de t'être calmée. »« J'ai déjà attendu trop longtemps. » Tu ne crois pas ? Messi se préparait à fermer le dispensaire. Il restait de la paperasse à traiter, mais elle le ferait le soir chez elle. Pourquoi se sentait-elle si excitée à l'idée de revoir Alex ? S'il était revenu 5 ans plus tôt, ils auraient pu faire quelque chose de bien ensemble. Mais maintenant, il était trop tard. Ce qu'elle pouvait espérer de mieux à présent, c'était un arrangement juste et équitable pour la garde de Cory. Elle glissait des dossiers et des formulaires dans un porte-documents quand quelqu'un ouvrit la porte d'entrée. Elle sursauta et leva la tête. C'était Alex, et à en juger par l'expression de son visage, il était en colère. Les jambes flageolantes, Messi sentit toutes ses peurs ressurgir d'un coup. Il avait sûrement compris. Il savait. Essayant de maîtriser la panique qui l'avait saisie, elle afficha un sourire contraint. « J'ignorais à quelle heure tu viendrais me chercher, alors ? » « Je n'arrive pas à savoir si tu es en avance ou en retard. » J'ai 5 ans de retard, et je pense que c'est très urgent. C'est ton genou ? Avança Messi d'une voix éteinte. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Je peux évidemment attendre que tu rentres chez toi pour te faire une scène devant Cory et ma grand-mère, mais tu feras mieux de tout me dire ici et maintenant, répliqua Alex, glacial. Messi ne l'avait jamais vu aussi furieux. Elle douta soudain de la bonne entente qu'elle avait espérée quelques instants plus tôt. « Que veux-tu ? » Alex referma la porte et tourna le verrou. Le bruit sec et métallique résonna comme une menace. « Tu n'as pas adopté Cory. C'est ton fils, et non l'enfant qu'une mère célibataire t'aurait confié. »« C'est le fils d'une mère célibataire, » protesta-t-elle, consciente que l'argument était bien faible. « Ne joue pas avec les mots. De quoi avais-tu peur quand tu as décidé de garder ta grossesse secrète ?» Que les braves gens de Lindonville aient une moins bonne opinion de toi ? Avais-tu besoin de sauver ta réputation ? Évidemment, ils auraient peut-être pensé que tu n'étais pas un ange incarné, mais un simple être humain. Le poing fermé d'Alex s'abattit sur le comptoir de la réception, et Messi eut un mouvement de recul. Je n'ai pas menti. La mère de Cory était bien célibataire. Elle essaya véritablement de savoir ce qu'elle allait faire de sa vie. C'est ce que j'ai dit aux gens. Le visage d'Alex s'assombrit. Tes mots. « Toujours des mots !» Messi se demanda ce qu'elle allait faire. Devait-elle lui dire qu'elle était amoureuse de lui à cette époque, et qu'elle avait compris qu'il ne l'aimait pas ? Elle pouvait aussi continuer à protester ? Les genoux flageolants, elle se laissa tomber dans le fauteuil de sa secrétaire. « Je suis fatiguée, Alex. Je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. »« Oh, si, tu vas le faire. Tu as eu 5 longues années pour penser à ce moment, et tout le temps pour préparer une réponse. » « Jusqu'à quand pensais-tu me priver de mon fils ?»« Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ton fils ?»« Cory a le même groupe sanguin que moi. Et grand-mère trouve qu'il me ressemble. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte ?» Et c'est sur cette note de tension que se termine ce chapitre. Mais quel suspense, mes aïeux, quel suspense ! On se retrouve demain pour connaître l'issue de cette dispute qui promet d'être épique. En attendant, dormez bien les bons cons et faites de bons gros rêves de cons. Gros bisous ! La lecture du soir sur la radio des bons cons. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Toute l'équipe de la radio des bons cons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.